bambola, c'est une poupée, c'est fragile une bambola. Tous les garçons qui te surnomment ainsi, fillette, se moquent de toi. Enlève-y, tu n'es qu'une poupée, ton cœur pour est un jouet, qu'un jour ils vont briser. Comme une poupée désarticulée se retrouve une bambola. Je le sais, crois-moi, j'étais avant toi, moi aussi une bambola. Ceux qui vont te serrer dans leurs bras et te mentir plus que tu crois, ne les écoute pas. Non, fillette, non, l'amour c'est mieux que ça. En riant, mais comme une enfant, c'est fragile une bambola. Fillette, crois-moi, n'oublie surtout pas que ça pleure une bambola. Yeah.